Bonjour. Par rapport à cette ambiance lourde qu'apporte cette épidémie mondiale du Covid-19, tout d'abord faisons un petit résumé de ce que nous avions annoncé. Essayons d'en comprendre le message et voyons un peu vers quoi nous allons. Lors de nos articles précédents en 2019, puis en janvier 2020, nous avions publié sur le site d'AstroCenter, par rapport principalement à la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, en 2020, des chefs d'État seront menacés, que ce soit dans leur pouvoir, mais aussi en ce qui concerne leur propre existence. Au point de vue climat, il pourrait y avoir encore plus de signes de dérèglement qu'en 2019. Nous serons du coup obligés d'accélérer notre processus pour sauver la Terre. On peut par exemple envisager des décisions mondiales drastiques pour sauver notre planète, pour pouvoir continuer à manger, à respirer tout simplement. Le Capricorne étant un signe de pragmatisme, on imagine très bien en 2020 une réorganisation totale de l'économie mondiale, avec les tensions que cela peut impliquer, pour sauver nos vies et les vies futures. En 2018-2019, nous étions dans la prise de conscience. Cette fois, nous sommes dans l'action de ce processus de changement. Tout cela ressemble à une renaissance. Alors, nous avions aussi parlé des tensions extrêmes que nous allions connaître avec le 20 mars, la conjonction Mars-Jupiter en Capricorne, suivie le 23 mars par la conjonction de Mars-Pluton en Capricorne. Donc, tout cela correspond aux mesures de confinement dans divers pays et à la propagation du virus dans le monde, à la bataille à laquelle se livrent les soignants, aux nouvelles difficiles à entendre, à l'angoisse qui plane. Alors aujourd'hui, alors que plusieurs pays sont en confinement, que l'économie s'est arrêtée et a considérablement ralenti, que nous comptons nos malades, nos guéris et nos morts, n'oublions pas que nous sommes dans un processus de métamorphose totale que nous devons mettre en place lors des changements drastiques sur notre manière de vivre nos priorités budgétaires, nos valeurs. Nous devons oublier les schémas actuels de rendement avant tout, revoir notre notion de réussite, être satisfait davantage de notre être et non de nos avoirs. Revenons donc sur cette conjonction de Saturne et de Pluton en Capricorne qui a été exacte le 12 janvier 2020. Et n'oublions pas qu'ensuite, Jupiter et Mars ont amplifié ses influences en mars 2020. Alors, Pluton est une planète de pouvoir, d'absolu, mais aussi de quête d'authenticité. Et Saturne est un astre de dépouillement, de rigueur et d'austérité. Saturne fauche ce qui ne lui convient pas et Pluton fait mourir pour renaître. Les symboles de mort sont ici bien présents, mais ces astres étant dans le signe du Capricorne qui représente les systèmes mis en place, les finances et les méthodes, cette crise d'aujourd'hui nous amène à revoir nos notions de pouvoir, de réussite et de richesse. Notre vraie richesse est-elle de polluer notre terre pour produire toujours plus, pour consommer toujours davantage et pour jeter le surplus? Notre richesse, notre pouvoir, sont-ils de polluer avec les avions pour se faire photographier à l'autre bout du monde et l'étaler sur les réseaux sociaux pendant que d'autres rament pour joindre les deux bouts? Notre richesse est-elle de gouverner un pays en prônant l'utilisation des armes, le racisme et la suprématie de l'argent? Cette crise épidémique, cette conjonction de Saturne et Pluton en Capricorne, puis de Jupiter et Pluton, nous montre où sont les vrais héros, ceux que nous pouvons admirer parce qu'ils ne le cherchent pas justement, ceux qui travaillent aujourd'hui à notre bien-être, à notre santé, qui demeurent dans l'ombre et qui manquent de moyens. Alors que va-t-il se passer maintenant? N'oublions pas que nous parlons ici des influences mondiales et non uniquement pour la France ou un autre pays francophone. En 2021, nous serons tiraillés entre Saturne et Uranus qui nous pousseront à laisser tomber des systèmes, des habitudes ancrées du passé pour changer ces habitudes, aller de l'avant avec des idées progressistes et sans doute plus humanistes et écolo. Mais le tiraillement sera fort. On aura du mal encore à comprendre les leçons de 2020, que ce soit nous, les dirigeants, les financiers et autres. Alors sans aller aussi loin dans l'immédiat et sans trop aller dans les détails, nous reviendrons sur les influences plus détaillées plus tard dans les vidéos sur les lunes notamment. À la mi-avril 2020, Saturne et Mars s'éloignent de la conjonction Jupiter-Pluton. Nous pourrions donc avoir dépassé la phase la plus angoissante de l'épidémie. La panique peut commencer à se calmer et l'atmosphère pourrait s'apaiser un peu. Début mai, Pluton rétrograde et Jupiter s'éloigne. On a l'impression que la tension s'apaise. La virulence du virus peut être plus faible. Saturne en Verseau nous laisse entrevoir la possibilité de médication, puis plus tard de vaccin. Il peut renseigner aussi sur un déconfinement progressif qui s'opère dans certains pays. En mai, Saturne rétrograde en Verseau indique que notre liberté sera limitée, même si nous ne sommes plus aussi confinés. On marchera sur des œufs et on ne criera pas victoire. En juin, Jupiter et Pluton rétrogrades se rapprocheront de plus en plus, ce qui doit nous rendre vigilants pour ne pas connaître une reprise de virus fin juin. La conjonction exacte entre Jupiter et Pluton sera de nouveau le 30 juin 2020. Et du coup, cela pourrait avoir un impact en juillet. Cela dit, à la mi-juin, Mars et Neptune, bien reliés, peuvent apporter de l'espoir, de bonnes nouvelles concernant des solutions médicales et donc un peu de détente. En août, Mars en Bélier, mal relié à Jupiter, Pluton, puis à Saturne qui revient en Capricorne et se fait donc plus sévère, tout cela peut indiquer de nouveau un signal d'alarme dans certains pays. Il nous sera sans doute impossible de voyager pour nos vacances dans certaines nations. Les règles seront strictes si nous ne le faisons pas. En même temps, si nous ne le faisons pas, ce ne serait pas une bonne idée car le virus n'aura sans doute pas complètement disparu. Alors en seconde quinzaine de septembre et en octobre, Mars, rétrograde en Bélier, mal relié à Saturne-Pluton, peut à nouveau nous envoyer des alertes par rapport aux infections et donc au virus. Neptune, bien relié, peut encore ici représenter heureusement des remèdes médicaux bienvenus. En novembre, Jupiter et Pluton de nouveau conjoints, puis en décembre, Jupiter et Saturne conjoints et Mars qui restera agressif durant ces 2 mois marquent les dernières étapes de ces tensions liées au virus. Nous pourrions donc connaître un moment d'accalmie et de déconfinement cet été, mais nous devrons être des plus vigilants pour éviter un retour du virus et de nouveaux confinements durant le dernier trimestre 2020. Bien sûr, l'ambiance et les mesures varieront d'une nation à l'autre. Et surtout, n'oublions pas que les aspects de 2021 ne seront pas aussi lourds. Nous pourrions donc alors tourner la page du Covid-19, mais sans pour autant l'oublier. Nous serons, comme l'indiquent Saturne et Uranus, dans la réorganisation de notre économie et on l'espère, l'amélioration de nos systèmes pour mieux se préparer désormais et éviter ce genre de crise. Donc, restons prudents, ne crions pas victoire trop vite, mais restons tout de même positifs et pugnaces d'ici 2021.